Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. Vous êtes sur FPP 106.3, c'est la jungle des luttes. On est en direct tous les troisièmes lundis du mois de 19h à 20h30 et retransmis le quatrième jeudi de 8h à 9h30. Vous pouvez également réécouter nos émissions sur le blog de la jungle des luttes. Alors, la jungle des luttes, c'est un programme proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. D'ailleurs, vous pouvez nous retrouver le 1er, 3e et 5e mercredi du mois dans les locaux de la CNT 33 rue des Vignoles, métro Avron à Paris. Et aujourd'hui, nous allons parler du Chiapas dans une première partie. Et ensuite, on sera avec Zach Lay, le projet de la ligne 18 contre lequel les collectifs se battent. Et pas seulement, c'est également l'artificialisation de nos territoires, de notre terre et tous ces grands projets qui tuent la vie. Et voilà, bah, la lucha sigue, il y en a, il y a beaucoup de luttes, beaucoup de violence, donc on lâche rien. Bon courage à toutes et tous. Faites attention à vous. Bonne émission, pause musicale et on commence. Nosotros los zapatistas, originarios del pueblo de América y del mundo, la tierra. La tierra para nosotros, la tierra es nuestra madre, sobre ella crece y sale descendientes y alimentos, aire puro respiramos, cantos de aves alegres. La tierra no es mercancía como los seres humanos. FPP, c'est la jungle des luttes, donc comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. On est notamment solidaire avec les apatistes et donc au Chiapas, au Mexique. Je suis là en ce moment justement et j'ai eu l'occasion de rencontrer les coopératives de producteurs de café qui donc sont organisées depuis des années, et même des dizaines d'années. Et donc on achète en tant qu'échange solidaire ce café de manière à pouvoir le distribuer directement en évitant les intermédiaires. Contrairement au commerce équitable, bah, l'idée c'est de directement payer un vrai bon prix et les bénéfices on les reverse directement sans imposer, contrairement donc au marché solidaire qui paye un prix finalement relativement bas par rapport aux coyotes, mais surtout, et c'est ceux qu'ils vantent, ceux qui font du commerce équitable, l'idée de pouvoir implanter des projets au bénéfice des communautés en question. Donc bon, bah ça paraît bien comme ça. Après, le problème, c'est qu'effectivement, c'est des projets qui sont organisés par les personnes elles-mêmes, non pas les personnes concernées, mais celles qui payent. Donc c'est des projets qu'on impose finalement aux communautés, même si c'est lié à des besoins, effectivement. En même temps, c'est organisé et mis en place avec tout un protocole qui est validé par l'entreprise qui finance. Donc il y a une zéro autonomie vis-à-vis des communautés. Le prix payé aux producteurs en réalité n'est pas si élevé que ça. Donc c'est une sorte d'aliénation à l'entreprise qui t'achète ton produit, que ce soit du cacao ou du café ou du coton, etc. Bon, revenons donc à Échange Solidaire. Notre objectif, donc justement, c'est d'être dans un échange solidaire. Donc on paye un bon prix et les bénéfices, on les reverse non pas aux producteurs, mais aux communautés en général, aux communautés zapatistes, puisque toutes les communautés n'ont pas de café, puisque ça dépend du climat. Et donc, comme la zone sur laquelle les zapatistes sont et passe du bord de mer jusqu'aux plus hautes altitudes, forcément, ils n'ont pas tous les mêmes productions. Et donc, notamment, donc, le café, ça pousse plutôt en hauteur, en altitude. Et donc, on est sur du café arabica. Donc, le café arabica, ça pousse à l'ombre des arbres. Et non pas le robusta qui, lui, pousse justement en plein soleil. C'est pour ça qu'il est en général donc plus robuste, donc plus fort également. Bon, c'est des petits détails, mais bon, voilà, c'était juste important quand même de le signaler. Donc, les producteurs zapatistes l'étaient avant d'être zapatistes, continuent depuis l'organisation. Avec, toutefois, on a déjà eu l'occasion d'en parler, l'objectif des zapatistes, c'était d'essayer de sortir au maximum du système, enfin du marché capitaliste. Donc du coup, ils ont demandé aux personnes solidaires de voir comment ils pouvaient acheter leur café. Donc il y a un premier groupe qui a commencé en Allemagne, et donc nous, Échange Solidaire s'est formé en 2002. Et donc, c'est des personnes du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte qui ont créé cette association spécifique pour l'achat du café. Et donc, du coup, depuis 2002, on achète aux coopératives zapatistes des quantités de plus en plus importantes, parce qu'on a réussi à s'organiser et à créer un réseau de consommateurs de plus en plus important également. Donc les coopératives, elles sont donc organisées. Enfin, il y a trois coopératives, deux qui sont Yachil et l'autre Yochin, qui elles se sont organisées au fur et à mesure, ont réussi à économiser avec justement notamment les prix qu'on peut leur offrir. Donc nous en France, mais après il y a tout un tas de pays en Europe qui achètent avec chacun des prix différents, même si au départ on aurait voulu pouvoir avoir un prix unifié, ce qui est compliqué puisque on n'a pas les mêmes niveaux de vie ni les mêmes exigences selon les pays. Donc en fait il y a des groupes qui se sont formés en Allemagne, en Italie, en Grèce, en Europe du Nord, en Espagne, donc en France et en Grèce. Donc voilà, chacun a son mode d'organisation en réalité. Donc il y en a qui sont dans le commerce équitable, comme je venais de vous l'expliquer avant, avec un processus tout à fait établi. Et puis il y en a d'autres qui sont plus proches de nous et donc qui sont plus en mode association et qui gèrent l'achat, la vente et la redistribution de bénéfices directs sans tout le protocole du marché équitable. Il y a une troisième coopérative qui, elle, du coup, n'existe plus, mais on s'est organisé pour pouvoir acheter leur café via un acheteur solidaire par lequel on passe pour pouvoir distribuer également le café de ses compas. Donc le café donc arabica bio, donc justement là encore il y en a qui ont la certification officielle puisqu'ils ont une coopérative officielle, et la coopérative qui n'existe plus, elle avait mis en place un système d'auto-certification, ce qui posait des problèmes effectivement pour ceux qui sont dans le commerce équitable, puisqu'il faut une certification officielle. Nous, étant en dehors de ces réseaux-là, ça nous importe peu, et au contraire, on trouve très important de pouvoir s'émanciper de ces sociétés qui en fait prennent beaucoup d'argent pour un travail relativement peut-être peu important, ou en tous les cas pas conséquent, sachant qu'en réalité ils ne peuvent pas vérifier toutes les parcelles concernées. Donc en fait, c'est prendre beaucoup d'argent pour juste certifier un café qui certes donc est bio, mais en réalité il n'y a pas moyen finalement de leur faire autant confiance finalement. Pourquoi ? Enfin, en tous les cas, il n'y a pas de raison de leur faire plus confiance qu'au Compass qui, eux, avaient mis en place un processus d'auto-certification, ce qui permettait en fait d'avoir des techniciens qui allaient dans toutes les parcelles. Et donc, en réalité, il y avait un contrôle beaucoup plus important de la qualité quand tu étais en auto-certification. Après, effectivement, beaucoup de travail, puisque ça demandait à ce qu'il y ait des techniciens qui puissent aller dans toutes les parcelles. Et donc, en général, l'objectif, c'était non pas de vérifier les parcelles, tes parcelles ou celles de tes compañeros les plus proches, mais donc d'aller dans une zone dans laquelle tu ne travailles pas et donc dans laquelle, entre guillemets, il n'y aurait pas cette tentation de pouvoir passer outre un certain nombre de points faibles, etc. Donc ça, c'était leur objectif du temps de leur coopérative. Maintenant qu'il n'y a plus la coopérative, l'idée, c'était de rester avec les mêmes principes, mais d'être indépendant vis-à-vis du gouvernement également, puisqu'il n'y a plus ce registre et ces obligations vis-à-vis de l'État. Donc ce café qui est produit par ces trois coopératives, ces trois groupes de producteurs de café, donc il est acheté par Échange Solidaire et redistribué aux consommateurs. Après, il y a un autre groupe en France, dans le sud, ce groupe-là achète de son côté à une coopérative seulement, celle qui est la plus grande d'ailleurs, qui compte quasiment 800 producteurs. L'autre coopérative compte plutôt entre 200 et 300 producteurs, et l'autre groupe qui n'est plus en coopérative officielle compte 200 producteurs également. Ce café, on le distribue et on fonctionne en pré-vente pour ceux qui le savent, puisque ça fait déjà depuis plus de 20 ans qu'on procède comme ça. On pré-vend le café, ce qui nous permet d'avoir de l'argent pour payer les producteurs avant de recevoir le café et de l'avoir vendu. Donc ça nous permet de payer au moment de la commande 60% et au moment où on reçoit le café les 40 autres %. Et c'est l'occasion pour nous, quand on parle de café, de rencontrer les Compass et de pouvoir partager avec eux et de connaître aussi leurs difficultés, leurs avancées. Donc comme je le disais, les deux coopératives qui ont été officielles, si on peut dire, ont déjà bien avancé et réussi à mettre des sous de côté, et donc d'acheter leur propre matériel pour maquiller le café, c'est-à-dire trier le café. Donc quand on récolte le café dans les maisons, on nettoie le café, on enlève la pulpe, j'ai un peu de mal parce que je parle de la cascara, la coque, enfin une première peau, on va dire, il y a une première peau qui va s'enlever, on va nettoyer le café, on va le faire sécher. Donc ça, c'est le café Pergamino. Alors évidemment, il faut qu'ils trient les mauvais grains de café évidemment avant. Donc le Pergamino, c'est du café qui est censé être consommable et vendable. Et après, c'est une question de qualité. La qualité, c'est une question de taille du grain et de densité du grain. Et donc, c'est ces machines, la maquilla, qui va permettre de trier tous ces grains de café par taille et par poids. Et donc, il y a la première qualité qui est, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe, vouée à l'exportation. Deuxième qualité au marché national. Troisième qualité, bon, pour ceux qui le veulent bien. Donc nous, ça nous est déjà arrivé d'acheter de la troisième qualité pour dépanner les Compass parce qu'ils n'avaient pas d'acheteurs. Mais donc éventuellement, si tu mets un peu de mauvaise qualité dans de la très bonne qualité, finalement, tu vois rien et ça permet d'avoir quand même du bon café. C'est des grosses machines, c'est des gros investissements, mais ça leur permet du coup de pouvoir maîtriser leur café d'un bout à l'autre, puisque donc une fois qu'il est nettoyé et séché, il passe à la maquila, il est trié, et une fois qu'il est trié, il peut être donc exporté ou vendu sur le territoire national. Et donc les deux coopératives ont acquis ces machines. Et donc maintenant, on peut passer directement par elles. Et donc une fois que le café est maquillé et trié, il y a le café à l'exportation qui va donc être amené à Veracruz, le port de Mexico, depuis lequel partent les containers remplis de sacs de café. Et donc justement, pour la première fois, j'ai eu l'occasion d'aller jusqu'à Veracruz avec les Compass. Et c'est quand même une épopée, puisque non seulement il y a une grande route, mais surtout les aléas. Les containers donc, de café, ça contient environ, on va parler en chiffres moyens, on va dire que c'est 250 sacs, de 70 kilos, enfin 69 de café, 1 kilo de sac, donc 250 sacs, donc un container, mais donc par exemple nous, Échange Solidaire, on achète deux containers à une coopérative, un container à une autre et un quatrième à une autre coopérative, ce qui veut dire que ça fait des milliers de sacs, un millier de sacs par exemple, et donc 4 containers. Et donc 4 containers, ça représente plusieurs camions pour pouvoir transporter justement ce café jusqu'au port. Et comme je le disais, il n'y a pas que Échange Solidaire qui achète du café, ce qui veut dire que les coopératives doivent, elles, se charger d'amener ce café jusqu'à Veracruz, et donc en plusieurs fois, puisque c'est plusieurs containers chacune, et donc plusieurs voyages, puisque plusieurs camions, et donc en général, ils ne bougent pas à plus de 3 camions, et on va dire que 3 camions, ça fait 2 containers. Donc pour ceux qui ont 10 containers à emmener, ça fait plutôt 5 voyages, plutôt qu'un, enfin ça fait pas un voyage, mais 5 voyages, avec donc 700 km de route environ, avec des camions chargés à bloc, avec des routes, donc il y a une autoroute essentiellement. Mais alors donc, je vais vous raconter la petite péripétie qu'on a vécue, et donc cette seule fois où j'ai pu y aller, on a mis à l'aller 21h et au retour également 21h pour des raisons différentes à chaque fois. Mais donc 21h de trajet pour 700 bornes, c'est lourd quand même, hein, comme boulot, même si c'est justement la dernière partie et que ça paraît insignifiant, parce que le travail de la culture du café, c'est encore énormément d'efforts et de travail évidemment, mais cette dernière partie, c'est pas rien finalement. Donc on est parti de San Cristobal à 6h du matin, et pendant des heures, ça va être des gros bruits de camions. Rentrer vraiment dans l'aventure, on va quand même faire une petite pause musicale. On est toujours sur FPP 106.3, c'est la jungle des luttes. Mujeres valientes que organizaron y dirigieron. Donc on continue, voilà. On est donc toujours sur 106.3 FPP, la jungle des luttes. C'est l'aventure Chiapas-Veracruz pour apporter le café au port à destination de la France. On va pas suivre le trajet de Veracruz à la France, bien entendu, mais par contre, donc, ce périple jusqu'à Veracruz, donc parti de San Cristobal à 6h du matin pour arriver à 7h à la sortie de l'autoroute de Tuxtla, jusque-là, tout va bien. Il y a les trois camions chargés de café. On a une petite démarche administrative à faire. Donc pour ça, il faut attendre un petit peu, des petits allers-retours au centre de la ville, puisque jusque-là, les camions sont garés à la sortie de l'autoroute, puisqu'il va falloir prendre une autre autoroute ensuite. Et donc, on va, pour cette petite démarche administrative, on va quand même s'arrêter pour déjeuner, puisque finalement, le temps passe. Donc voilà, on finit par repartir à 10h et donc on arrive à Tuxtla pour imprimer un document et donc que les camions, eux, prennent de l'avance. On est censé les rattraper puisqu'on est quand même censé aller plus vite qu'eux en voiture. Donc on arrive à Tuxtla puisqu'il y a un compas qui est avec les camions. Et puis on est trois autres dans une voiture et avec... une personne qui s'occupe de donner le document de phytosanitaire de ce petit document là qu'il faut absolument pour pouvoir déposer son café à Veracruz, document qui permet de prouver que les conditions sanitaires pour ce café sont réunies. Donc on va dans la ville de Tuxtla pour imprimer ce document. Donc on reste dans la voiture et puis il y a un des compas qui part imprimer le document. On se dit bon, on n'a qu'à fermer les yeux quelques instants. Bon, avec la musique, hein, quand même, malgré tout, il y a toujours de la musique dans les voitures au Mexique ou dans les bus ou un peu partout. Donc un petit fond de musique, ou plutôt même pas un fond parce que c'était quand même assez fort. Mais voilà, on se dit on ferme les yeux, tranquille, on se détend, on attend. Il fait quand même assez chaud, on reste dans la bagnole avec la clim parce que tout ça c'est très très chaud. Il n'y a pas d'air, c'est une ville, c'est la capitale du Chiapas. Il y a zéro charme, rien, bref. On reste dans la bagnole, on ferme les yeux, on se détend. Puis finalement, quelques dizaines de minutes plus tard... Le compas qui était parti faire l'impression toque à la fenêtre, donc évidemment tout de suite on ouvre les yeux, hein. On n'avait fait que fermer les yeux. Et le compas nous dit « Non mais vous avez vu, ils sont en train de nous enlever la plaque. » Bah qui ? Bah la police. Ah non, comment ça ? Donc ils étaient en train de nous enlever la plaque parce que soi-disant ils avaient mis leur sirène, soi-disant il n'y avait pas le chauffeur en voiture et on n'était pas très bien stationnés. Enfin bon, au Mexique... On a vu pire, évidemment, on était juste même pas en double file ni rien, juste sur un emplacement éventuellement d'arrêt de bus, un truc dans le genre, quoi, on va dire. Enfin bon, pas mortel, hein. Bon. Et puis le chauffeur était vraiment à sa place, donc s'il y avait besoin, il aurait pu tout à fait déplacer la voiture. Et puis s'il y avait eu la sirène, on aurait forcément entendu, puisque le moindre toc-toc à la fenêtre nous a réveillés, évidemment. Et donc là, tu te dis, mais c'est surréaliste, quoi. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent juste un peu de thunes, quoi. Enfin, ou peut-être même beaucoup. Donc, ils nous proposent 1500 pesos, ce qui fait 60... Enfin, ils nous proposent de payer pour récupérer la plaque 1500 pesos, ce qui fait 75 euros, ce qui est quand même énorme, 1500 pesos, évidemment, pour le Mexique. Et déjà, même 75 euros, c'est déjà... pas mal pour quelque chose qui ne le mérite pas, si on peut dire. Et d'autant que c'est pur mensonge, ils n'ont jamais mis leur sirène, et puis il y avait le chauffeur à sa place, etc. Donc tu comprends bien que c'est la mordida qu'ils attendent, c'est le terme qui est utilisé ici au Mexique. Donc il va falloir négocier parce qu'ils veulent 1500, mais ça ne va pas être possible, il ne faut pas déconner. Donc du coup... Nous, on remonte dans la bagnole, le compas qui était allé faire la photocopie, comme c'est lui qui a pris en flac, si on peut dire. Et heureusement, parce qu'un peu plus, si ce compas n'était pas arrivé à temps, ils seraient tout simplement partis avec la plaque. On s'en serait peut-être même pas aperçu et on n'aurait eu plus de plaque. Donc, du coup, là, pour le coup, on a pu voir qu'ils allaient nous enlever la plaque et donc négocier tout de suite de manière à pouvoir faire la route jusqu'à Veracruz quand même avec un véhicule avec une plaque, parce qu'on n'aurait pas été à l'abri de se faire arrêter par d'autres à un autre moment par les policiers puisqu'on n'avait pas de plaque. Donc là, ils négocient, bon bah ok, 800 pesos. Donc là, du coup, on revient à la moitié quasiment du prix demandé au départ. Et là, on est sur une avenue un petit peu passante, un peu large, et donc il y a des caméras. Et donc voilà, les flics nous disent, si vous voulez récupérer la plaque, ça va être 800 pesos, effectivement, il va falloir aller à trois rues plus loin, là où il n'y a pas de caméra. Et là, tu te dis, mais c'est complètement hallucinant, quoi. Donc de toute façon, t'as pas le choix, tu veux récupérer ta plaque. Donc on récupère notre plaque, on leur donne les 800 pesos et nous voilà repartis. Et donc là, ça nous a fait perdre un petit peu de temps parce qu'entre le temps de l'impression, le temps de la négociation, le temps d'aller à ces trois rues. Bon, bref, résultat, on repart enfin avec notre plaque. Bon, on repart direct, puis après on se dit, il va falloir quand même mettre la plaque parce que c'est pas le tout de l'avoir dans la bagnole. Faut quand même la remettre. Donc on s'arrête à nouveau pour refixer cette plaque une fois qu'on est sorti de la ville. Et puis là, on tente de rattraper ces camions. Ils disent, ah punaise, ils roulent bien parce qu'on n'arrivait toujours pas à les rattraper. Et donc, plus d'une heure ou deux passent sans qu'on puisse les rattraper. Puis finalement, nous voilà bloqués sur l'autoroute. Et là, bloqués, donc pas d'informations, rien du tout, quoi. Donc là, on se communique, on rentre en communication avec le compas qui est avec les camions. Et donc, eux aussi sont bloqués. Donc apparemment, on n'est pas très loin. Ils sont 1,2 km devant nous, mais des embouteillages et pas moyen de... Puis c'est surtout que c'est même pas des embouteillages, parce qu'on voit bien qu'on ne bouge pas du tout, en fait. Et donc là, 2 heures passent. Et donc là, t'es toujours pas informé. Puis finalement, tu vois qu'il y a des gens qui passent, parce que sur les autoroutes, il n'y a pas vraiment de barrière comme chez nous. Il y a des moments où tu peux faire un petit retour, il y a des ouvertures. Malheureusement, on n'est pas vraiment près d'une ouverture, nous, pour pouvoir passer comme d'autres, en double fil sur la voie dans l'autre sens, enfin pas en double fil, mais sur la voie du sens inverse, de prendre l'une des voies, puisqu'il y a 2 voies. Donc, on voit qu'il y a des voitures qui commencent à passer en sens inverse. Nous, on se dit, c'est pas possible. Puis alors, finalement, comme tout le monde commence à faire demi-tour, ça commence à se libérer. Et donc, on peut se faufiler entre des camions et des voitures pour nous aussi passer, essayer d'avancer en se disant, on va peut-être essayer de rattraper nos camions pour au moins attendre avec eux. Mais en réalité, là où ils sont coincés, eux, il n'y a pas moyen de passer. Donc, on les dépasse. Et puis finalement, donc, on sort de cet embouteillage. Il va falloir quand même attendre que les camions se décoincent. Et donc tout ça n'arrive que 3 heures après. Résultat, les camions sont restés bloqués 5 heures. Donc nous, on les attend un peu plus loin à la sortie de cette fameuse embouteillage. Et puis il est déjà 6-7 heures du soir, quoi. Donc c'est complètement surréaliste parce qu'on a... on a quand même avancé, mais enfin, il nous reste quand même un bon bout de route à faire encore. Et on pensait plutôt arriver vers 8, 9, 10 heures à Veracruz. Et là, on en est très loin, quoi. On les rejoint pas très loin de la ville de Coatzacoalco, où là, il y a une plateforme pétrolière. Et donc ça, j'avais jamais vu. Mais donc, du coup, c'est une fumée pas possible, des cheminées la nuit éclairent. On pourrait croire que c'est des incendies qu'il y a au loin. Ça éclaire de très loin. C'est complètement hallucinant. Hallucinant la pollution qu'on peut imaginer. Les gens qui vivent tout près. C'est ça c'est le petit détail en plus, mais ça donne pas envie de continuer à consommer du pétrole. Malheureusement, il faut bien se déplacer, notamment là dans le cas des compas, amener le café jusqu'à Veracruz. Il y a pas d'autre solution, mais c'est quand même vraiment très chaud ces exploitations. Voilà, on a fini par retrouver nos camions et donc on roule. Et là, malheureusement, il y a un chauffeur qui est un peu novice et roule pas vite du tout. Donc, c'est chaud parce que du coup, tout le monde est fatigué, hein, puisque les chauffeurs, bah, c'est un seul chauffeur par véhicule. Donc, bon, bah, il n'y a pas moyen de faire de relève. La route est un peu difficile et il y a quand même aussi la chaleur. Bon, heureusement, on arrive dans la nuit, ça commence à baisser la chaleur. Là, enfin, on se décide à manger. Il était temps, 11h du soir. Bon, c'est pas vrai, nous qui avions pris de l'avance, contrairement au camion, on s'est quand même fait une petite pause tacos. Et bon, voilà, donc on mange et donc on reprend la route. Et donc là, finalement, on n'arrivera qu'à 3h du matin dans la zone portuaire où il y a des agences de transport qui ont des espaces qui leur sont réservés. Donc nous, l'agence de transport donc voilà, on a pu poser les camions à l'endroit qui convenait pour pouvoir dormir 2 heures, bon, dans la voiture, hein, évidemment, pour les autres dans leur camion. Bon, les camions, ils sont quand même aménagés, donc ils ont leur petite chambrette là derrière. Bon, nous, dans la voiture, heureusement, il fait pas froid. C'est une camionnette avec un peu d'espace derrière. Et donc à 6 heures, nous voilà de nouveau réveillés pour amener le chargement de café aux endroits qui conviennent. Donc du coup, qui conviennent, aux endroits qui conviennent. Et donc du coup, un premier camion, parce que c'est un premier conteneur. Et donc là, c'est bon, on décharge, puis on va à l'autre. Bon, là, l'autre endroit, c'est parce que la personne qui achète s'occupe de toute la transition, enfin, toute la transaction, tout le procédé portuaire, si on peut dire. Donc là, c'est un autre endroit. Bon, on a eu du mal à trouver, on s'est un peu perdu, mais on a réussi à finalement trouver et à décharger le reste du café pour ce deuxième conteneur. Voilà, nous y voilà, ça y est, il est 14h de l'après-midi, on va pouvoir enfin manger. Donc là, on est allé manger dans la ville de Veracruz. Bon, là, j'avoue, c'était bien mérité, on a fait un petit plouf dans la mer. Et puis ensuite, on a de nouveau grignoté un truc pour ensuite aller se coucher et repartir le lendemain, se lever vers 6h pour repartir donc vers le Chiapas, et cette fois sans les camions. Donc normalement, on n'est plus obligé de suivre le rythme des camions qui est forcément plus lent. Quand bien même le chauffeur trace, c'est quand même de toute façon toujours plus long qu'en voiture. Et donc nous voilà repartis. Et donc on commence donc à partir de Veracruz. On a déjeuné auparavant, etc. On a quand même un peu traîné, pris notre temps, puisqu'on pensait qu'on arriverait le soir tranquille au Chiapas. Et donc du coup, on part à 10h, ping, 80 km plus loin, rebloqué. Donc là, bloqué 2-3 heures, voire 4 heures, sans possibilité justement de passer sur cette fameuse voie parallèle, hein, puisque du coup on en a vu d'autres aussi là encore qui passaient sur le sens contraire, mais qui mobilisaient la voie. Mais là, cette fois, c'était quand même organisé par la police, le fait qu'on puisse passer sur la voie opposée, parce que la veille, rien. Personne t'indique rien. On continue à laisser des gens s'engouffrer sur l'autoroute et donc à ce que des milliers de camions surtout s'accumulent là les uns derrière les autres sans pouvoir bouger. En réalité, c'était un accident qui avait créé 15 véhicules avaient été endommagés. Donc ça, on l'a su plus tard par les nouvelles, mais personne sur l'autoroute vient prévenir de quoi que ce soit et puis essayer de désengorger la situation. Donc là, le deuxième jour, on est bloqué. Alors là, c'est pareil, on n'a toujours pas de nouvelles, on ne sait pas pourquoi. Donc on imagine à nouveau un accident, hein, y a pas de raison que ce soit autre chose finalement. Donc on prend notre mal en patience. Puis là, par contre, on avançait par petits bouts. Donc on avançait par petits bouts, donc on s'est dit, bon, ben, on va finir par y arriver. Bon, puis finalement, justement, on trouve un espace où on peut faire un demi-tour, et donc on passe comme tous les autres sur la voie opposée. Et donc on avance super content en se disant, ben, c'est bon, on est sorti de l'embouteillage, quoi. On est débloqué. En plus, on avait fini notre eau, évidemment, plus rien, 37 degrés, pas un peu d'ombre. Forcément, sur une autoroute, il y a pas vraiment d'ombre, hein. Donc voilà, du coup. Et puis, finalement, on fait 5 km dans le sens contraire, là, sur la voie opposée, mais on avance dans la bonne direction. Et nous voilà de nouveau bloqués. Et là, on apprend qu'en fait, le passage est complètement bloqué. Et là, tu te dis, mais c'est complètement surréaliste, quoi. Il continue à laisser des gens s'engouffrer. Mais là, il n'y a pas de passage. En fait, c'est une citerne de gaz qui a explosé. Donc, effectivement, on comprend que c'est bloqué. Et donc, bah, là, on fait demi-tour. Et donc, il est 6h du soir et on est revenu au point de départ puisqu'on a décidé donc de revenir donc vers Veracruz pour prendre la route nationale, quoi. Enfin, pas les autopistas, la libre, comment se dit ça hier. Donc voilà, du coup, il est 6h du soir, ben là, il faut qu'on mange, donc on mange et puis on repart. Et donc, ben voilà, là, c'est le grand périple parce qu'évidemment, c'est pas une autoroute, donc il y a énormément de camions, on a du mal à doubler. Bon, ben voilà, finalement, on sera arrivé à 7h du soir. Bon, pour moi, c'était une aventure inédite et quelque part agréable aussi de pas avoir passé le temps avec les compasses, etc. Par contre, quand tu te dis qu'il va falloir qu'il fasse encore 4 voyages, c'est compliqué, en fait. C'est quand même beaucoup de boulot pour la production de café, mais en plus un parcours complètement dingue parce qu'ils sont pas à l'abri pour les autres trajets d'être encore bloqués avec des embouteillages ou bien des barrages ou bien des accidents, etc. Donc bah voilà, du coup c'est sur 3 jours 42 heures de route. Et voilà, mais enfin, le café est arrivé à bon port. Là, il devrait être parti. Il est en mer, normalement. Il devrait finir par arriver en France. Et donc, vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez. Donc, c'est le 26 septembre, si je me trompe pas. Je crois que je suis en train de me planter de date. Le 22 septembre, oui, c'est le 22 septembre, pardon. Qui aura la distribution café au CICP. Donc, pour ceux qui ont commandé, puis pour ceux qui n'ont pas commandé, il y aura toujours moyen d'acheter un petit peu de café. Voilà, du coup, on va faire une petite pause musicale depuis le Mexique. Pause musicale FPP 106.3, c'est toujours la jungle des luttes. Thank you. 89.3 à la jungle des luttes, donc on est toujours au Mexique et voilà l'aventure du café, donc c'est, voilà, ça c'est presque tout va bien là, parce que le reste de la situation au Chiapas et pour les compas et qu'ils soient producteurs ou pas de café, c'est tout à fait autre et pas seulement donc pour les compas, pour toutes les communautés au Chiapas infiltré par les narcotrafiquants, le crime organisé et la militarisation du Chiapas. Et en même temps on comprend bien que avec tout ce qui se passe, c'est clair que les militaires sont pas là pour protéger les personnes mais les biens de l'État. La militarisation du Chiapas, elle date déjà depuis 94, le soulèvement des zapatistes. Il y a eu comme 116 cartels militaires qui sont implantés au Chiapas. Et puis il y a cette nouvelle garde nationale dont on a peut-être déjà évoqué avec vous la présence nouvelle, puisque ce corps, un peu type gendarmerie nationale, c'est une sorte de corps intermédiaire entre l'armée et la police, a été créé donc au Mexique et au Chiapas. Il y a entre 11 et 16 postes de garde nationale implantés au Chiapas. Et ils s'occupent notamment justement de mettre en place des projets de gouvernement, des projets dits sociaux. En fait, c'est une manière de contrôler complètement la société, non pas le territoire, parce que le territoire c'est contrôlé par le crime organisé. Et justement, pourquoi on parle du Chiapas aujourd'hui, même si on parle depuis très longtemps du narcotrafic, de la guerre entre les cartels au Mexique, qui sont au nombre de 5, si je me trompe pas. En réalité, c'est qu'au Chiapas, ils n'avaient pas encore été présents. Et là, depuis 1 ou 2 ans, ils sont sur le territoire. Et donc, moi, ce qu'on m'a raconté, parce que évidemment, je vous fais part de ce qu'on m'a dit, il y aurait des personnes, des cartels présents au Chiapas, un peu dans toutes les communautés. Apparemment, il y aurait une personne affiliée au cartel dans chaque communauté, de manière à pouvoir un peu leur donner la température de ce qui se passe dans les communautés. Et au fur et à mesure, une implantation plus importante. Et notamment, tout à fait dernièrement, là, il y a 3 jours, la prise de la mairie de Pantelo par les narcos. Et en réalité, il y a déjà eu des attaques, des attaques, ouais, si on peut dire, puisque les narcos veulent prendre donc le pouvoir et assujettir les populations. Donc il y a eu une organisation dans cette communauté de Pantelo avec les machetes. Et donc là, dans les machetes, c'était un groupe de gens de la communauté qui se sont organisés pour virer les narcos. Donc ça pouvait être pour... Disons qu'on aurait pu penser que la bataille avait été gagnée. Il n'en est rien. Et donc ces machetes, c'était des ex-zapatistes par exemple. Aussi, paraît-il, des ex-militaires. Aussi des personnes décidées à s'organiser. Et donc ces machetes se sont organisées pour virer les narcos. Mais une fois partis, il y a toujours ces personnes infiltrées dans les communautés qui peuvent donner un peu les indices. Et puis également les personnes affiliées aux partis politiques qui font leur travail pour continuer à toujours vouloir diviser les communautés, puisque c'est quand même l'objectif de la guerre de contre-insurrection, de manière à ce qu'il n'y ait jamais un contrôle de la société civile ou bien des communautés zapatistes par les zapatistes eux-mêmes. Et donc l'objectif étant de diviser, les machetes ont fini par se diviser et donc par être fragilisés. Et donc c'est pour la raison pour laquelle a priori les narcos auraient pu à nouveau entrer dans Pantelo, donc il y a de ça 3-4 jours. Donc c'est complètement flippant, effectivement, quand tu vois les vidéos, ces mecs armés, avec des habits tout neufs, des grosses armes, cagoulées, lunettes de soleil, casquettes, et qui donc font des déclarations pour dire que donc tout est calme, hein, tout va bien, l'ordre est revenu, ils ont pris la mairie et tout va bien. Donc quand tu demandes aux compas, ces compas, ils te disent aussi, bah ouais, tout va bien. C'est-à-dire que ouais, il n'y a plus de tirs, il n'y a plus de balles, il n'y a plus de menaces de mourir, sachant qu'en fait, il y avait déjà cette personne qui avait été tuée quelques jours auparavant. Et donc en fait, bah ouais, c'est calme. C'est-à-dire, oui, a priori, il n'y a plus de tirs de balles, mais bon, les narcos sont là, quoi, et c'est eux qui tiennent la mairie, et bah, y a pas de présence militaire ni policière, justement. Quand on parle de militarisation, moi, sur les routes, bah, ils sont assez discrets, et effectivement, leur objectif, c'est pas de recréer l'ordre ni de reprendre le contrôle du territoire, mais de laisser la société civile aux prises du crime organisé. Depuis les, enfin, de toute façon, une complicité évidente avec les pouvoirs, évidemment. Mais donc là, on est au courant de ça finalement que par les personnes qui sont concernées, parce que dans les médias, finalement, il se passe tellement de choses au Mexique, tellement de choses au Chiapas, qu'on n'a pas du tout une visibilité de ce qui se passe réellement, puisqu'il y a des disparus, des blessés, des morts, des personnes arrêtées, avec évidemment, comme très souvent ici au Mexique, on a eu l'occasion de le dire, de fausses accusations, des montages de toutes pièces. Donc en fait, je saurais pas vraiment dire tout ce qui se passe au Chiapas, tellement il se passe des choses, mais c'est clair qu'on est en train de vivre un moment important, parce que jusque-là, le Chiapas avait été épargné, mais là, le contrôle des narcos se fait de plus en plus important, et notamment par rapport à la frontière, c'est-à-dire qu'il y a la frontière du Guatemala, avec aussi du coup beaucoup d'argent à se faire. Et c'est en tous les cas la raison pour laquelle on m'a dit qu'ils étaient implantés, finalement, qu'ils étaient arrivés jusqu'au Chiapas, c'est que le contrôle de la frontière, c'était un gros business pour eux. Et que les pouvoirs publics, évidemment, arrêtent les cars de transport de personnes, comme ça m'est arrivé donc là dernièrement à plusieurs reprises au Chiapas, fouillent les coffres des cars, montent dans le car, font parler les personnes qui suspecteraient de peut-être ne pas être mexicaines, et donc à détecter un accent différent, etc. Donc du coup il y a c'est super malsain, parce qu'ils font croire qu'ils contrôlent le trafic, mais en fait pendant ce temps-là il y a des camions et des voitures qui passent. Et en réalité, un migrant va pas prendre un ticket de bus ADO pour voyager, évidemment. Donc ça rassure peut-être les gens, peut-être qu'ils peuvent dire aux États-Unis, mais je vous promets, on contrôle au Chiapas, puisque c'est l'État de cette République fédérale qui touche le Guatemala et par lequel... Bah, passe une grande partie des migrants qui viennent de l'Amérique centrale, pour le moins. Grosso modo, on pourrait dire que c'est le chaos au Chiapas, parce que bon, il y a l'organisation zapatiste qui, elle, refuse de prendre les armes, mais comme les autres personnes des communautés sont victimes de ces agressions armées, il y a les groupes paramilitaires qui s'étaient déjà constitués depuis le soulèvement zapatiste. Et donc, en fait, il y a beaucoup de gens armés face aux narcos et au milieu, les zapatistes, si on peut dire. Alors, on se demande bien comment ça va pouvoir se régler, puisque on compte pas sur l'État ni ses forces, puisqu'elles sont complices. Et donc, à part entrer dans une guerre civile, ce que tout le monde a l'air de vouloir, enfin de penser, non pas vouloir, mais en tous les cas, penser qu'il n'y a pas d'autre solution que de voir que finalement c'est un affrontement entre des groupes narcos et des groupes de civils armés, des organisations politiques armées qui penchent d'un côté ou de l'autre selon. Donc voilà, c'est aussi des tirs dans la ville de San Cristobal, ce qui évidemment n'était encore jamais arrivé. Donc une sorte de situation chaotique, violente, ça on l'avait déjà dit dans notre dernière émission, en parlant de la violence et en parlant de la nécessité de se mobiliser pour faire cesser la guerre, et au Chiapas notamment, puisque du coup la situation est elle aussi particulière, et pas seulement à cause des zapatistes, mais justement comme je disais, par rapport à tous ces groupes armés qui donc du coup sont en mesure de pouvoir réagir et entrer en guerre avec les narcos, ou alors de se mettre du côté des narcos. Et donc du coup effectivement il y a la nécessité de se mobiliser pour que cette guerre, même si on se demande par quel bout il va falloir le prendre, parce que personne n'a l'air de voir l'issue. C'est peut-être ça qui est justement flippant, c'est que les personnes sur place voient pas autrement que une guerre civile qui fera forcément des morts, des blessés, des disparus, des destructions de l'organisation sociale. Il y a déjà beaucoup de déplacés au Chiapas, à la frontière, mais pas seulement. Il y a concrètement donc des personnes disparues, je le disais, des personnes arrêtées. Dans le cas du Chiapas, il y a 2 compas zapatistes, mais aussi 4 personnes du CNI qui sont arrêtées avec des accusations diverses, mais toujours mensongères, avec les droits minimums pas assurés, comme celle de la traduction pour les personnes qui auraient une langue maternelle qui ne serait pas l'espagnol. Et donc on leur fait signer des feuilles carrément blanches, donc comme ça on va pouvoir mettre ce qu'on veut dessus. Au cas où il comprendrait, il refuserait, de toute façon il va être torturé. Donc il y a des cas, le cas dont on peut parler de Jorge et de Miguel pour les compas zapatistes. Miguel, ça fait déjà 3 ans apparemment qu'il est en prison. Jorge depuis le mois de novembre dernier seulement. Et une impuissance des avocats et du centre Fraiba Bartolomé de las Casas, un centre de droits humains. Donc une impuissance parce que la volonté des pouvoirs publics est de passer outre. Et quand on demande mais pour quelles raisons, il y a aussi le fait qu'on en a parlé également, qu'il y a ce fameux train Maya notamment, qui a énormément avancé au Yucatan et au Campeche, et qui devrait donc arriver jusqu'au Chiapas, où il y a pas mal de résistance. De résistance géographique, effectivement, mais surtout de résistance des populations. Et donc là, les travaux sont pas encore vraiment avancés. Mais la volonté, c'est de le faire avancer, puisque sur le reste du territoire, où Yucatan et Campeche, c'est des états plats, donc il n'y a pas de montagne ni rien. Donc effectivement, on peut voir, j'ai pu le voir puisque je suis dans le Yucatan au nord à Mérida, j'ai pu voir toute cette ligne de train là qui déjà est bien avancée, toute droite, etc. Donc ça pose moins de problèmes, mais là ça va passer sur des territoires... des populations autochtones, et donc non seulement ça va déséquilibrer la nature et l'organisation sociale, mais aussi détruire des sites mayas et donc des sites propres à ces populations, des lieux qui leur appartiennent et dont on veut les dépouiller, au-delà de la question du territoire en tant que tel et des non-bénéfices que ça va apporter, contrairement à ce que vont dire tous les politiques, évidemment. Comme pour n'importe quel projet, grand projet, c'est censé apporter du travail et un développement dans la région concernée. Donc tout ça fait partie d'un même puzzle. Les pièces sont en train de se monter les unes avec les autres, et effectivement l'issue... L'issue, on la voit mal, la résistance des communautés zapatistes, et pas seulement, est là, mais complètement affaiblie par cette violence, puisque l'objectif, c'est, puisqu'ils ont, on en a déjà parlé, pas réussi à à faire tomber les apatistes. L'idée, c'est de les affaiblir aussi psychologiquement, puisque quand en réalité tu passes, comme dans le cas de Aldama, on en a parlé l'autre fois aussi, des jours et des nuits et des mois et des années et des semaines avec l'idée que peut-être tu vas te prendre une balle et que surtout tu passes ta nuit tout enfermé, qu'il y a d'autres communautés où les gens ne sortent même pas de chez eux de peur de prendre des balles, de peur de se faire enlever, arrêter. Donc voilà, c'est une situation vraiment inquiétante. Et voilà, c'était... il faut suivre de très près parce que c'est vraiment une poudrière le Chiapas aujourd'hui. Ben, la lucha sigue, la résistance, et surtout on envoie un grand salut solidaire et fraternel aux communautés en résistance au Chiapas et au Mexique en général, mais au Chiapas aujourd'hui. La lucha sigue, 106.3 FPP, la jungle des luttes. On va faire une petite pause musicale. La prochaine, elle s'appelle Céline. Et Céline, c'est le nom qu'ils ont donné au tunnelier qui creusait le tunnel de la ligne 18 entre l'aéroport d'Orly et Maxi. Tous les tunneliers ont un prénom de fille. Moi, Céline, notre tunnelier, pourquoi ne veux-tu pas arrêter de creuser de toutes les âmes du plateau sacré? Tu es la seule égarée. Non, non, non, ne m'étonne pas, non, ne m'étonne pas. Tu n'as rien à faire ici. Ne creuse pas, non, ne creuse pas. La nature des terres, oui, c'est la vie. Moi, Céline, toi la reine du béton. Toi qui ne vois dans la terre qu'un gros paquet de pognon. N'as-tu jamais de respect pour les plantes qui sont pourtant nos meilleurs garants? Non, non, non, ne m'étonne pas, non, ne m'étonne pas. Tu n'as rien à faire ici. Ne creuse pas, non, ne creuse pas. La nature est terre, oui, c'est la vie. Moi, Céline, à quoi ça va servir? Un métro dans les champs à part à les détruire. Est-ce que la glorieuse scientifique vaut mieux que l'urgence climatique? Non, non, non, ne m'étonne pas, non, ne m'étonne pas. Tu n'as rien à faire ici. Ne creuse pas, non, ne creuse pas. La nature est terre, oui, c'est la vie. Casse-toi, Céline. Arrête tes entourloupes, prête juste à tout stopper, à rejoindre les troupes. Il n'y a pas que ton chantier pourri, notre ennemi c'est le Grand Paris. Non, non, non, ne m'étonne pas, non, ne m'étonne pas. Tu n'as rien à faire ici. Ne creuse pas, non, ne creuse pas. La nature, les terres, oui, c'est la vie. Ne m'étonne pas, non, ne m'étonne pas. Tu n'as rien à faire ici. Ne creuse pas, non, ne creuse pas. La nature, les terres, oui, c'est la vie. La nature, les terres, oui, c'est la vie. Bravo, bravo. FPP 106.3, la jungle des luttes, c'est le programme de radio qui vous est proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et aujourd'hui, on voulait vous parler de Zaclay et du collectif Non à la ligne 18. J'ai avec moi une membre de ce collectif. Est-ce que tu voudrais commencer par revenir un petit peu sur ce projet de ligne 18, de quoi il s'agit et surtout pourquoi lutter contre ce projet? À toi. Ben bonjour tout le monde. Donc effectivement, moi je fais partie du collectif contre la ligne 18 et l'artificialisation des terres. La ligne 18, c'est une ligne qui a pour projet de relier Orly, l'aéroport d'Orly, à la ville de Versailles. Ce qui a pour effet en fait de doubler le RERC qui fait déjà cette liaison. La particularité de la ligne 18, c'est qu'elle va traverser des terres agricoles et elle porte dans son sillage en fait un projet d'urbanisation totale du plateau de Saclay, qui est donc aujourd'hui encore un plateau à vocation agricole. où on trouve des terres parmi les plus fertiles d'Europe en raison de leur composition géologique que je ne vais pas forcément détailler ici. C'est une opération qui a été déclarée d'intérêt national parce qu'elle dessert, enfin il y a trois stations qui desservent un regroupement de grandes écoles, d'universités, d'entreprises de recherche et développement pour créer l'université Paris-Saclay qui était censée être une université capable de rivaliser avec les grandes universités mondiales et figurer dans le classement Shanghai qui est un classement réalisé par les Chinois pour classer les universités du monde entier et dire qu'elles étaient les meilleures. Jusqu'à présent, la France ne figurait pas et donc voilà, c'est Sarkozy hein, qui a eu l'idée de faire ce regroupement. Bon, malheureusement, on l'a toujours dit, hein, c'est un projet du passé, mais malheureusement, en fait, ce classement, il n'existe plus et donc on a dépensé des milliards pour un truc qui n'existe plus, donc c'est un peu caduque, mais disons voilà, la minute, elle arrive dans ce contexte-là. Et passer ce cluster scientifique, en fait, elle traverse des champs et elle traverse de grandes distances sans gare. Elle est surdimensionnée par rapport au nombre de personnes qui pourront l'utiliser, enfin qui auront besoin de l'utiliser, qui auraient besoin de l'utiliser. Et en plus, elle est fort coûteuse, quoi, parce que c'est une ligne qui est construite sur des piliers. Enfin bon, bref. Il se trouve que ça coûte très très cher, bien plus cher que de rénover les RER B et C qui desservent déjà cette région. Voilà un peu pour faire court les raisons pour lesquelles on lutte contre cette ligne. Ben, merci beaucoup. Et du coup, il y a quelques années déjà, justement lié à cette lutte, ça avait émergé donc cette ZAD, la ZAD de Saclay. Est-ce que tu peux revenir sur... sur voilà, ce que c'était cette ZAD, dans quel contexte elle a émergé, pourquoi vous avez choisi de la construire et peut-être enfin, est-ce que tu peux revenir sur les développements de juin dernier, là, de juin 2023, hein, ce qui vous a poussé finalement au démantèlement de ce campement? La lutte là, sur le plateau de Saclay, elle date... il y a très longtemps. Moi, je suis retombée récemment sur un petit journal local qui date des années 80 et où il y avait déjà cette problématique de l'urbanisation du plateau de Saclay qui était abordée. Donc, ça, c'est vraiment une lutte qui dure depuis très longtemps sur le territoire. Il y a eu beaucoup de manières de mener cette lutte, notamment beaucoup de recours juridiques, beaucoup de participation, une participation massive de la population aux enquêtes publiques. Voilà, il y a eu vraiment beaucoup de manières de lutter et ça n'a jamais porté ses fruits, enfin ça n'a jamais infléchi les projets. Et donc, bah, il restait ça en fait, il restait ce type d'action qui n'avait pas été encore essayé. Donc nous, quand on est arrivé pour reprendre un peu le flambeau de la lutte, on s'est dit, bah, qu'est-ce que nous pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait apporter à cette lutte. Voilà, bah, c'est une manière de lutter qui nous ressemblait un peu plus que les recours juridiques, etc. D'autant plus que ça avait été déjà fait, donc on se disait, bon, bah, ça sert à rien. Donc on a créé cet espace de lutte qu'on a appelé Saclay, parce qu'on voulait pas l'appeler ZAD dans le sens où on était sur un terrain qui nous était prêté par un couple d'agriculteurs. Et donc, on voulait pas être usurpé le nom ZAD qui est vraiment une installation sur une zone menacée, alors que nous, on était à proximité du tracé de la ligne 18, mais pas sur le tracé, et en plus, du coup, protégé par la loi sur la propriété privée, puisque on était les invités des hôtes des agriculteurs. Ça nous a permis d'accueillir beaucoup de gens, de visibiliser la lutte, de faire pas mal de choses, le fait d'avoir un lieu. Un an après notre installation, on a commencé à construire des cabanes pour pouvoir passer le premier hiver. Et à la suite de ça, on a eu une visite de la préfecture qui est venue constater en fait des constructions illégales sur le terrain. Et à partir de là, en fait, a commencé toute une série de pressions qui ont été menée sur les agriculteurs qui nous accueillaient, mais aussi sur nous, avec une présence policière assez soutenue, enfin bon, tout un tas de choses comme ça, et des menaces aussi d'amende assez élevées. Et tout ça, ça a poussé les agriculteurs qui nous accueillaient à, voilà, ils ont un peu pris peur pour leur exploitation agricole, la viabilité de leur entreprise, etc. Et du coup, ils nous ont demandé de partir, ce qu'on a fait sans discuter, en fait. D'accord. Donc, c'est pour ça que vous avez démantelé le camp. C'était quand qu'il y a eu le démantèlement et avant ça, peut-être revenir sur... tout ce que vous avez fait, est-ce que tu peux revenir un peu sur toutes les activités qu'il y a eu à Zaclay? Qu'est-ce que ça a permis de faire pour la lutte, pour vous renforcer? Et qu'est-ce que, voilà, est-ce que éventuellement ce que vous avez obtenu ou pas, mais quel lien renforcé et quelle petite victoire toutes ces dernières années? Est-ce que tu peux revenir là-dessus aussi? Oui, alors bon, pour répondre à la date butoir, effectivement, du procureur, c'était le 5 juin, donc. Au 5 juin, le terrain était redevenu un champ, dans le sens où on avait démonté tout ce qui était sur le terrain. Donc ça nous a pris deux bonnes semaines, avec des journées bien, bien pleines. Zaclay, qu'est-ce que ça a apporté à la lutte? Ça a apporté, je pense, de la visibilité, parce que malheureusement... c'est un truc un peu médiatique, avec l'imaginaire qui a été développé par la lutte à Notre-Dame-des-Landes, etc. Bah, c'est quelque chose qui intéresse les grands médias, hein, on va pas se mentir. Et du coup, bah, ça nous a permis d'avoir une couverture médiatique un peu plus large que ce qu'il y avait jusqu'à présent, parce que, en fait, le problème de la lutte sur le plateau de Saclay, c'est que, au départ, en fait, c'était une lutte contre l'installation des établissements de recherche et d'enseignement scientifique, donc les plus grands établissements français, hein, c'était les grandes écoles d'ingénieurs, c'était les grands labos de recherche. Et du coup, s'opposer à la science, à l'innovation, etc., il y avait un côté compliqué. Qui n'a pas été très bien relayé dans les médias, malgré des efforts conséquents des personnes qui luttaient à cette époque. Et voilà, l'action ZAD, tout de suite, c'est un peu croustillant, disons, pour les grands médias. Donc, effectivement, ça nous a permis une couverture médiatique au national. C'est quand même quelque chose qu'on recherchait, puisque c'est une opération d'intérêt national, c'est la recherche française... et l'enseignement supérieur français qui est en jeu. Donc, c'est des enjeux nationaux et ça ne nous paraissait pas être juste que ça reste quelque chose de local ou de régional. Il fallait vraiment faire comprendre la dimension nationale à tous les Français. Bon, je pense que là-dessus, on a pas mal avancé. On peut dire que c'est une victoire de ça. Ça a permis aussi de... tisser des liens avec les étudiants et les étudiantes qui ont été mis sur le plateau de Saclay et qui sont le prétexte pour lequel en fait on a fait tout ça. Donc c'était bien aussi de tisser des liens avec eux. Ça nous a permis de faire vraiment pas mal d'actions. Je vais pas les lister parce qu'en deux ans, il se passait plusieurs choses par mois. Mais ça a permis de faire des discussions, des débats, des réunions, d'organiser des actions comme des marches, ou les actions du 13-14 avec construction d'une charpente. Enfin, j'avoue que j'ai peur de ne pas être exhaustive. Donc... Non, il n'y a pas de problème. Ouais, mais pas mal de choses. Vraiment, on a été hyper, hyper, hyper actives et actifs pendant deux ans. On a organisé un festival, on a organisé... on a organisé vraiment beaucoup de choses. On a essayé de parler à tout type de population en organisant des choses très variées, des choses très militantes, mais aussi par exemple le festival qui était essentiellement un festival de musique, qui était bien sûr entrecoupé de prises de parole avec un village associatif, etc., mais qui était quand même plus axé sur la fête et la musique, de manière à faire venir un peu la jeunesse du coin, qui venait pas... on a cherché tous les prétextes en fait pour... ramener les gens vers nous en les invitant à Zaclay pour faire quelque chose. Et voilà, à chaque fois, avec l'idée qu'on allait leur parler de ce qui se passait, Et donc ça nous a permis à la fois de remobiliser les gens du coin, de faire venir des gens qui n'étaient jamais venus ou qui s'étaient jamais intéressés à la lutte, et puis aussi d'élargir à l'Île-de-France et puis au national, comme je disais. Donc voilà, ça c'est les acquis de, du collectif contre la mine 18 et l'artificialisation des terres, et de Zaclay qui était donc l'une de ces actions. Super, ben merci beaucoup pour être venu sur tout ça. On va faire une petite pause musicale et puis après on va parler de votre articulation avec d'autres luttes en Île-de-France. Pause musicale. Je suis fille de l'Ivette, mais parmi les forêts, je suis fille de la vallée, du RERB, les filles de Zaclay qui ne sera pas détonnée. Je suis fille du métro, né dans la pollution, enfant de la métropole et de tout son béton. Je peine à respirer, bien que je sois masqué, de mon 9 mètres carrés, je rêve de me casser. Une Silicon Valley sur des terres cultivées. On s'y est opposé, signé, tracté, marché. Mais malheureusement, ça n'a jamais rien donné. Et puis l'État a dit, on va faire Grand Paris. Relier les technopoles et bétonner les sols. Faire une ligne en plein champ, une guerre aux vivants. Étendre la capitale, leur faire crever la dalle. J'ai planté au jardin d'Aubervilliers, gueuler à Saint-Hilaire, nos déchets sous terre. Nos luttes sont sans frontières et révolutionnaires. Nos luttes sont sans frontières et révolutionnaires. FPP 106.3, la jungle des luttes. On est toujours avec la camarade du collectif Non à la ligne 18. Qui revenait un peu sur toutes les raisons pour lesquelles on s'oppose à cette ligne 18 et tout l'historique de Zaclay. Et du coup, maintenant, on voulait un petit peu parler de l'articulation de cette lutte contre la ligne 18 avec toutes les autres luttes contre l'artificialisation des terres en Île-de-France. Et oui, on était présentes. En tant que CSPCL, au week-end de lutte qui avait été organisé à Zaclay les 13-14 mai dernier, par exemple. Il y avait eu notamment cette assemblée des luttes locales qui avait été organisée. Zaclay et le collectif Non à la ligne 18, en fait, vous faites partie, c'est bien ça, de cette coordination des luttes locales en Île-de-France qui rassemble donc tout un tas d'autres luttes pour la défense des terres voilà, en Île-de-France, contre l'artificialisation des terres. Et la métropolisation, et donc il y a aussi toute aussi cette dynamique récemment avec les soulèvements de la terre, les comités de soutien locaux qui ont émergé un peu partout et qui continuent de s'organiser suite à la dissolution même. Bon, vous, en tant que collectif Non à la ligne 18, qu'est-ce que vous voyez comme suite pour ces luttes locales et leur articulation un petit peu en Île-de-France? Comment vous voulez continuer à vous organiser, à vous coordonner, à quoi vous pensez voilà, pour ces articulations entre luttes? Alors ben, il est vrai que, enfin, c'est un lieu qui est important et qui est intéressant puisqu'il permet de mettre en lumière le fait que la logique est à l'œuvre pour l'artificiel, enfin, qui est à l'œuvre et qui implique l'artificialisation des terres agricoles ou des espaces naturels et forestiers en Île-de-France, c'est une logique de métropolisation. C'est une logique capitaliste et qui, même si c'est des projets qui peuvent paraître n'avoir aucune relation les uns avec les autres, finalement, en fait, quand on s'assoit tous autour d'une table et que on réfléchit, on se parle les uns des autres de ce qu'on observe sur nos territoires, et ben, en fait, le constat, c'est que c'est la même logique de métropolisation de l'Île-de-France et capitaliste d'accaparement des ressources. Et donc, pense que si on n'avait pas ce lieu, on serait tous un peu dans des tunnels où peut-être qu'on pourrait passer à côté de cette dimension plus large des choses qu'on observe sur nos territoires. Donc c'est un endroit qui est important à ce titre-là. C'est un endroit aussi qui permet de faire le lien entre, je sais pas, par exemple, la construction d'un écoquartier vers Thoiry et les Jeux Olympiques aussi. Ben, c'est un endroit où on prend conscience, en fait, de la dimension globale de tout ce qui se passe actuellement en Île-de-France et de l'assaut, en fait, hein, du BTP sur la région Île-de-France. C'est aussi un lieu où on peut s'organiser collectivement puisque, finalement, comme on se bat contre un ennemi commun, on peut aussi apporter des réponses collectives à ça. Et donc, par exemple, c'est là où avait été organisée la Marche des Terres, en octobre 2021, je crois, qui avait été pensée comme une convergence. Donc, il y avait des cortèges qui arrivaient de différents points cardinaux de l'Île-de-France pour converger vers l'hôtel de ville. Et notre idée, c'était d'aller à la rencontre du ministre de la Transition écologique, mais on a été nassé à l'hôtel de ville, on n'a pas pu poursuivre la marche jusque là-bas. Mais voilà, c'est ça un peu le lieu de la Cordeau. Ça permet aussi pour des collectifs en cours de constitution, des luttes émergentes, d'avoir du soutien de collectifs qui sont plus aguerris. Voilà, ça peut être des soutiens à la COP, enfin comment faire une bonne com, comment et puis pouvoir échanger aussi avec des gens, ça peut être les questions qui se posent sur les recours juridiques possibles, voilà, c'est un endroit à la fois de ressources et puis aussi de soutien, où on va trouver du soutien assez rapidement et on va se sentir peut-être un peu plus fort parce qu'on n'est pas isolé dans son petit territoire avec sa petite lutte. Voilà, en gros, ce qu'apporte cette corga des luttes locales. Super, bah merci beaucoup pour ce partage. Et justement, il me semble qu'en parlant de luttes locales et d'articulation entre elles, de s'organiser, on a aussi là, le festival bientôt qui arrive, là, début août, Les Résistantes, qui sera au Larzac du 3 au 6 août. Vous allez y participer ? Oui, on aura un stand qu'on partagera d'ailleurs avec la co-orga des luttes en Île-de-France. Et on participera à il y a une assemblée des luttes locales en Île-de-France qui sera organisée là-bas. Et puis on participera à différentes tables rondes et débats sur la métropolisation, etc. Donc oui, on pourra nous y retrouver. N'hésitez pas à venir nous rencontrer sur notre stand. Merci beaucoup. Et j'en profite pour dire d'ailleurs qu'aux Résistantes, on aura aussi une personne qui nous viendra du Mexique, Nisagué, qui vient de l'isthme de Tehuantepec, là, cette région qui est accaparée par les multinationales qui veulent y installer des parcs éoliens industriels, entre autres. Il y a aussi un méga projet là, de couloirs transocéaniques qui implique plein de parcs industriels dans la région. Mais voilà, elle viendra nous parler un peu des luttes là-bas au Mexique contre ces méga projets, faire le pont avec les luttes en France. Et nous parler un peu de comment ils s'organisent là-bas, d'une caravane aussi qu'ils ont organisée il y a peu, fin avril, début mai. Voilà, donc il y aura aussi un lien internationaliste et avec le Mexique aux Résistantes. Et peut-être pour finir, du coup, est-ce que tu veux nous dire un peu quelles sont les suites pour la lutte contre la ligne 18 depuis le démantèlement de Zaclay, est-ce que tu peux nous parler peut-être de l'opération Grand Jet qui a émergé suite à tout ça ? Voilà, à toi. Alors en fait, l'opération 1000 Grand Jet, elle date du 16 mai, date à laquelle la grange qu'on avait posée sur le tracé de la ligne 18 après pendant le week-end du 13 et 14 mai a été détruite. Et à partir du moment où ils ont détruit cette grange, on s'est dit, ils veulent pas d'une grange, on va en faire plein. Et du coup, l'idée, c'est d'inciter la population, tout le monde, à construire des petites grangettes chez soi et à aller les poser un peu partout sur le territoire. et les prendre en photo et nous envoyer les photos. Donc l'idée, voilà, c'est de matérialiser la résistance par ces petites grangettes et de les faire naître un petit peu partout dans l'espace public pour rappeler aux gens ce qui se passe sur le bateau de Saclay. Enfin, c'est pas forcément facile à comprendre quand on n'habite pas ici, mais il y a vraiment le plateau de Saclay et les vallées environnantes. Et c'est des territoires qui fonctionnent vraiment de manière autonome. Même si le plateau de Saclay, on n'est jamais loin du plateau de Saclay, on y est en 10 minutes à pied quand on habite dans la vallée, mais c'est un autre territoire. Donc voilà, on peut être un petit peu amnésique. Les gens de la vallée, ils oublient, puis dès qu'ils vont faire un petit tour sur le plateau de Saclay, ils sont effarés parce que voilà, ben ça se bétonne. Donc voilà, l'idée c'était un petit peu ça, de remettre ça visuellement avec une petite action qu'on voulait un peu à la fois artistique, rigolote, accessible à toutes et à tous, avec de faibles risques en termes de prise de risque juridique, etc. Donc voilà, c'est ça l'action grangette. Et vraiment, ça serait important qu'il y ait vraiment énormément de grangettes qui apparaissent un peu partout. Pourquoi pas partout en Île-de-France aussi, hein, c'est vraiment, ça pourrait être repris par d'autres collectifs. Voilà, c'est symbolique et fort, et ça permet à tout le monde de prendre sa part de la lutte aussi. Voilà, donc c'était ça l'idée de l'opération Grangette, quoi. Donc sur notre site, il y a un article qui parle de ça, il y a un patron qui vous permet de faire votre Grangette. Il y a aussi des pochoirs avec un petit message qui est... Alors, j'ai dit... Grange dressée contre béton armé. Mmh. Et l'autre, c'est dans la zone, ça sent le fumier, nique les terres bétonisées. Donc voilà, vous avez les patrons pour les deux slogans et aussi pochoir et patron pour la grangette. Voilà, donc... tout le monde a tout dans les mains, il n'y a plus qu'à le faire. Très bien. Et est-ce que, du coup, plus tard dans l'été, ou peut-être à la rentrée, vous avez déjà des rendez-vous prévus, d'autres appels à côté de cette opération Grangette pour la suite de la lutte contre la ligne 18, que tu veux nous partager? En fait, on aimerait bien retrouver un lieu pour poser la lutte. Mmh. Donc on est à la recherche d'un endroit qui nous accueillerait, où on pourrait, pas nécessairement comme ce qui a été Zaclay, mais on est ouvert à toute forme de possibilités pourvu qu'on puisse s'installer quelque part et voilà, dire que ancrer la lutte quelque part de manière à donner aux gens un lieu, voilà, où ils peuvent venir nous rencontrer, nous voir, etc. Donc pour l'instant, on est en recherche. On va lancer aussi une opération d'affichage de com pour la rentrée et on prévoit des actions avec les communes plus à l'ouest puisque maintenant, en fait, la lutte, elle se déporte un peu vers la frange ouest et vers le département des Yvelines, que jusqu'à présent, c'était... le plateau de Saclay, mais côté Essonne. Mmh. Et là, on va sortir de... C'est une autre agglo, c'est un autre département. Donc voilà, c'est tout un travail aussi à faire avec une autre population. Et donc là, on va avoir pas mal d'actions côté ce qu'on appelle l'Ouest. Voilà, donc côté Yvelines, les communes de Châteaufort, Versailles, Billancourt, Saint-Quentin-en-Yvelines. Maintenant, ça se déplace un peu vers là, puisque... Sur le côté Palaiseau, Orsay-Gif, la ligne, elle est construite, hein, elle n'est pas prête à être exploitée, mais elle est construite. Et on va continuer à s'opposer à des projets d'urbanisation sur ce territoire-là, mais pour ce qui est de strictement la ligne 18, c'est mort, quoi. Donc tous nos efforts vont se concentrer sur l'Ouest maintenant. D'accord. Donc, j'ai pas de date à donner, j'ai pas d'action précise, mais on est en train d'y travailler et il va y se passer des choses, en tout cas, vers la fin du mois de septembre. un grand merci et force à vous dans cette lutte. À bas la ligne de métro 18, à bas l'artificialisation des terres en Ile-de-France. Voilà, total soutien et à bientôt. Pause musicale pour la suite sur FPP 106.3, la jungle des luttes. La prochaine, elle s'appelle le portefeuille de la SGP. Oh oui. La SGP, c'est la Société du Grand Paris, c'est eux qui construisent les nouveaux métros. Oui. C'est la page 2, non ? Ouais, c'est la page 2. Ouais, c'est ça. Bien les poches. Défile dans les champs, on traque près du RERB. On discute avec les quelques gens qui nous envoient pas chier. Quand on voit mille bétonneux saccager le plateau sacré, on bloque les chantiers et on se met à gueuler. Si j'avais le portefeuille de la SGP, je ferais des banderoles de 12 000 mètres carrés. Si j'avais le compte en banque du Grand Paris, on serait sur toutes les radios du lundi jusqu'au samedi. Pour le plateau sacré comme dit Grégoire de la série. Ouais mais ce serait bien mieux si tu bétonnais pas ici. Quand tes connards en costard mettent le bas terrain du meunier pour planter sur les grues en train d'une place pour l'officier. Si j'avais le portefeuille de la SGP, tous les tracteurs de France mourraient sur l'Elysée. Si j'avais le capital de Vinci, j'aurais des affaires tout de suite entre les deux nuits. Manger des petits fours avec le président de Bouygues et ses petits camarades, des pages de Vinci qui crèveront leur digestion en écoutant ma chanson. Si j'avais le portefeuille de la SGP, je ferais des banderoles de 2000 mètres carrés. Si j'avais le compte en banque du Grand Paris, il y aurait des affaires tous les temps contre l'île de Neuilly. Mais j'ai pas les poches pleines de thunes comme la SGP. Alors chez mes banderoles, j'en ai bien droit de trouver. J'ai pas l'influence de ELP. Alors pendant mes vacances, je militerai à Saguenay. Si j'avais le portefeuille de la SGP, on foutrait le bordel sur tous les plateaux télé. Si j'avais le bureau de Valérie Pécresse, on danserait sur les cendres du Grand Paris Express. Voilà, c'est la fin de notre émission. On vous souhaite un bel été. On se retrouve le mois prochain, donc troisième lundi du mois, comme toujours. Et ben voilà, portez-vous bien. Merci de nous avoir écoutés. C'était FPP 106.3, la jungle des luttes. Émission proposée par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc vous pouvez éventuellement rencontrer le comité de solidarité tous les premiers, troisième et cinquième mercredis du mois à 20h dans les locaux de la CNT 33 rue des Vignoles, métro Avron. Donc là au mois d'août et juillet et août, on sera pas trop présent, mais dès le mois de septembre, on sera là. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. À bientôt tout le monde, salut, bonne fin de soirée. C'était la jungle des luttes, 106.3 FPP. La Bayou.